9 à 15 à Skova. Bonjour et bienvenue à Luc du Nord, ma ville. Le crevard se fera un plaisir d'être ton guide. Là, c'est champ vert où à Vegas nous résidons. Du haut de la colline, je prétends pas dominer Lyon. Suis-moi, accroche-toi, la liane dans ma jungle. L'urbaine, nous allons visiter les alignés dans le parterre entre Rhône et Saône. Il faut tirer son épingle du jeu, je te balade au milieu de ces artères. Et mec, valide ton ticket pour le monde souterrain. Ici, pour trop de gens, j'étais le petit gars qui foutait rien. Mon rap est comme leur métro, c'est-à-dire underground. Je veux qu'il soit brillant comme quand le tonnerre gronde. 369, grande rue certifiée par l'OC. Notre son dans tes enceintes, nous on a osé. Merci pour le guide de la balade musicale. A bientôt pour une autre visite lyricale. Ils nous parlent d'un niveau AOC, AOC c'est la marque. On décolle l'étiquetage, mon équipage débarque. Ils nous parlent d'un niveau AOC, AOC c'est la marque. On décolle l'étiquetage, mon équipage débarque. Ils nous parlent d'un niveau AOC, AOC c'est la marque. On décolle l'étiquetage, mon équipage débarque. Ils nous parlent d'un niveau AOC, AOC c'est la marque. On décolle l'étiquetage, mon équipage débarque. Ils nous matent tout tous, me demandent pourquoi on fait du rap. On a des choses à dire, écoute ce que l'on cerne. Je n'ai pas de quartier, je viens de Perrache, entre les bons je les tape un. Trop de tension et transport plein, tu vises sur une manix de bon matin. Quand on te mate filé au taf avec les matons, la rime c'est comme la merde, tu la cherches à tâtons. Je fais de la musique, mais toutes ces faces la profane. La trouve fun dans les posts sur plus de rimes profanes. Tous souhaiteraient être inoubliables comme la pilule. La cohérence abject, mon style pullule. Une balade lyricale avec des bavards. Avare, vocabulaire au musical parloir. D'où l'on arrive et ce que l'on fait, je te le confirme. Rien que tu brailles, on t'ouvre l'esprit pour que tu la fermes. Ils nous parlent d'un niveau AOC, AOC c'est la marque. On décolle l'étiquetage, mon équipage débarque. Ils nous parlent d'un niveau AOC, AOC c'est la marque. On décolle l'étiquetage, mon équipage débarque. Ils nous parlent d'un niveau AOC, AOC c'est la marque. On décolle l'étiquetage, mon équipage débarque. Ils nous parlent d'un niveau AOC, AOC c'est la marque. On décolle l'étiquetage, mon équipage débarque. C'est 15 mains de microphone provenant secteur 6-9. Des rimes qui sonnent pour les refs et russes qui donnent pas à leur seuf. Alchimie peu monotone quand résonne ma voix. Sur le beat, résultat, mon staff tabac. Par un choc exothermique, remballe ta critique si la jalousie t'anime. Mais si elle est réfléchie, mon cartel sera tout ouïe. 6-9 coule dans mes veines sans intention malsaine. Section les sirènes, c'est dans les airs comme partout pareil. 3-6-9 crew, calibre lyrical, braque nous ici, si. T'inquiète, on est hâte, commet des crimes sur 100 par dissection de rimes. Pendant que les 16 nous taflent en céphale, affolent la balistique. 369, la cicatrice qui est salvatrice, qui banalise les homicides sur le beat. Ils nous parlent d'un niveau AOC, AOC c'est la marque. On décolle l'étiquetage, mon équipage débarque. Ils nous parlent d'un niveau AOC, AOC c'est la marque. On décolle l'étiquetage, mon équipage débarque. Ils nous parlent d'un niveau AOC, AOC c'est la marque. Décolle l'étiquetage, mon équipage débarque. Ils nous parlent d'un niveau AOC, AOC c'est la marque. On décolle l'étiquetage, mon équipage débarque.